Bon, voilà, on parle à Raymond Poirier. On va parler de numérique. Bonjour, Raymond. Bonjour. Alors, ce matin, on va faire on va parler d'un sujet fort intéressant, mais qui m'étonne un peu, environnement et pratique numérique. Quand même. Je suis étonné. Ça reste toujours un grand débat, en fait, parce que, quand on parle de bonne pratique environnementale, il y a quand même une partie du numérique qui est, disons, intégrée dans le problème. Ça génère de l'énergie, ça demande de l'énergie, ça fonctionne pas virtuellement, c'est un impact réel. Parallèlement, le numérique peut aussi faire partie de la solution, mais certains acteurs, notamment de la sphère numérique, disent oui, mais avec certaines conditions, en bonifiant, en modifiant certaines pratiques, et en faisant prendre conscience aux gens aussi de cet impact potentiel-là que leur usage peut avoir. Évidemment, la situation actuellement versus la situation il y a 10 ans, c'est très différent. Ça s'améliore. Ça bouge vite. Ça bouge vite. Parce que ce qu'on parle, en fait, des technologies vertes ou dans la sphère française, les green IT, en France, évidemment. Donc. Oui, c'est non anglais, c'est français. Exactement. Ça reste en développement. Donc, je dis à la blague dans la sphère française, mais de manière générale, c'est un secteur qui se développe. Il y a cette préoccupation-là parce qu'en même temps, on dit, regardez, on veut vendre le numérique comme étant une pratique durable. Donc, il faut qu'elle le soit aussi, qu'elle le soit de plus en plus. Il y a des rapports sur ça, j'imagine. Là, on dit ça, mais tout ça doit être appuyé sur des rapports bien concrets. Oui, en fait, et notamment, il y en a un qui est sorti un peu plus tôt cet été que je trouvais intéressant de signaler parce qu'il vient de l'entreprise, en fait, d'un réseau d'entreprises en France qui s'appelle le CIGREF, qui fait des analyses, des réflexions, et qui, notamment, font ce qu'ils appellent leur Benchmark Green IT 2016, qui donne un petit état des lieux. Donc, on parle d'un sondage auprès de leurs entreprises à eux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est les entreprises qui sont déjà sensibles, qui ont déjà fait des efforts, qui ont déjà bonifié leurs pratiques. Donc, les problèmes qui sont signalés à travers ce rapport-là, c'est aussi ce qui est intéressant, ce sont les problèmes de fond. Donc, les choses que l'entreprise elle-même ne réussira pas nécessairement à modifier, mais que les fabricants pourraient peut-être réussir, eux, à bonifier, modifier, à ajuster. Quelles sont ces choses-là qu'on pourrait améliorer quand on pense à l'empreinte que le numérique peut laisser? Bien, en fait, première chose, ils ont essayé d'évaluer un peu la nature, justement, de cette empreinte-là. De quel degré est-elle? Bon, ils ont évalué, par exemple, que pour un utilisateur, un employé typique de ces entreprises-là, ben lui, à chaque année, il consommait en énergie l'équivalent de 19 ampoules allumées 24 heures sur 24, donc pendant 220 jours. Il consommait à peu près l'équivalent de 3100 kilomètres d'auto à travers son usage d'équipement informatique. Ah oui, quand même. Et 428 douches qui étaient prises également à travers ces usages en général. Là, on parle de... Ça s'accumule le 408 douches, oui. L'auto, puis... Ah oui, OK. C'est pas des « et ou », c'est des « et oui, tout court ». Oui, oui, c'est des « et tout court ». Ah, et oui. C'est pour un utilisateur d'une entreprise qui a déjà une conscience environnementale. Donc après ça, multiplier ça par le nombre de travailleurs en France, et ça nous donne pratiquement un seuil minimal. Et évidemment, il y a des distinctions entre les entreprises, un écart assez significatif, même à l'intérieur de ce réseau-là. On disait, regardez, il y a... certaines entreprises qu'il faut multiplier par 3 le nombre d'émissions. Donc, on n'est pas à 3100 km en voiture, on est à 9300. Qu'on a 3 fois plus d'économie d'eau, donc pratiquement, on fait 1200 douches. 5 fois plus de consommation d'énergie, donc on n'est pas à 20 ampoules, on est à 100 ampoules par année. Donc, ça devient quand même assez intense. Évidemment, à travers ça, il y a des sujets qui ont déjà été traités au fil des dernières années, qu'on pense par exemple à l'idée qu'il faut éteindre les ordinateurs le soir ou la fin de semaine. Il y a déjà eu des campagnes de sensibilisation qui a été faite. Et normalement, ces entreprises-là, les ordinateurs sont fermés le soir. Donc, cet exemple-là ou des exemples plus liés aux usages sont mis de côté un peu dans le contexte de ça. Et donc, eux disent, mais regardez, ce qui reste, c'est peut-être des questions liées à l'énergie. C'est souvent rattaché aux données, aux centres de données, entre autres. Les questions liées aux gaz à effet de serre, c'est lié généralement aux équipements. Et on dit, l'énergie aussi, dans le fond. Parce qu'on a beaucoup parlé des centres de données, mais l'énergie est aussi reliée à la question des équipements. On dit en fait que 75% de la consommation énergétique qui est donnée là-dedans, c'est pour faire l'ordinateur. On dit, regardez, 40%, 60% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la fabrication des équipements. 40%, c'est l'utilisation au niveau de l'eau. Est-ce qu'il y a un pourcentage, excuse-moi, là, je déroge un peu, là, mais est-ce qu'il y a un pourcentage concernant les rejets, quand on jette son ordinateur, la récupération? C'est considéré dans la durée de vie de l'objet, dans le 60%. D'accord. En fait, ce qu'on dit, c'est que je pense à peu près, pour faire une puce électronique, par exemple, une petite puce, ça prend 16 000 fois son poids. pour réussir à, en matériel au départ pour en arriver à la puce. Donc, il y a des proportions comme ça qui sont quand même assez, assez importantes, évidemment. Ben oui, c'est impressionnant. Et ça amène les gens à dire, ben regardez, face à des constats comme ceux-là, la clé, c'est peut-être, d'un point A, d'allonger la durée de vie des équipements. Donc, faut que les équipements puissent durer plus longtemps, puissent être recyclés peut-être plus facilement. On dit évidemment que pour fabriquer un ordinateur, donc je parlais de la puce numérique 16 000 fois, l'ordinateur, lui, c'est 100 fois son poids en matière première, donc pour donner la perception. Et ce qu'on dit, c'est qu'en 85, la vie d'un ordinateur est en moyenne de 10,7 ans. Et ça, c'est en 85. Oui, aujourd'hui, okay. On n'est pas dans une société de non-obsolescence, au contraire. Alors, aujourd'hui, la vie d'un ordinateur a été divisée par 3. Ouais. Donc, par rapport à ce chiffre-là, donc on parle de 3 ans en moyenne pour l'ordinateur. Évidemment, certains disent, ben regardez, ça n'a pas de sens. Il y a des entreprises qui ont choisi même d'enlever les dates de péremption des ordinateurs en disant, ben regardez, l'ordinateur est capable de vivre au-delà de 3 ans. Évidemment, faut garnir aussi cet ordinateur-là. Donc, la fabrication de logiciels et l'utilisation de logiciels, simplement le fait que le logiciel tourne, ça dépense de l'énergie aussi. Alors, il y a une tendance qui est en train de se développer à l'éco-conception des logiciels. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on cherche à mettre de côté ce qu'on a appelé en français l'obèse logiciel. C'est un néologisme. Donc, le gras numérique, en fait. Ouais, c'est bon, ça. L'image est claire, en tout cas. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, des logiciels comme Microsoft Office, eh ben, si on compare 97 à 2016, 2017 presque, eh ben, ça prend 114 fois plus de mémoire pour faire rouler ces logiciels-là aujourd'hui qu'avant. Parce que les logiciels sont plus complexes, il y a plus d'applications, il y a plus de performances. Ouais. Mais évidemment, si ça demande plus de mémoire, ça demande plus d'énergie. Donc simplement pour faire rouler l'ordinateur, eh ben c'est un peu plus demandant. Et c'est la même chose sur Internet. Ce qu'on dit, c'est que même en fait, si on décide de naviguer sur des sites allégés versus sur des sites complets, eh ben il y a 219 fois moins d'octets sur le site allégé que sur le site complet. Est-ce qu'on est allé voir du côté dans ce rapport-là, est-ce qu'on est allé voir du côté de l'industrie, parce que évidemment c'est eux qui ont le gros bout du bâton là, l'industrie qui construisent des ordinateurs avec une sorte d'obsolescence programmée là, qui ont peut-être moins intérêt à être écolo, je sais pas. Mais il y a une sensibilité qui semble tenter de s'accroître, si on peut dire, auprès justement des entreprises, des fournisseurs, des fabricants, pour essayer de bâtir des logiciels moins gourmands, pour essayer de trouver des manières justement de bâtir des ordinateurs qui demandent un peu moins d'énergie, d'avoir moins d'obsolescence. Je pense qu'on est encore peut-être un peu à la prise de conscience. Enfin, on a beaucoup vogué ces dernières années en disant, mais le numérique, l'impact est virtuel, on le voit peut-être un peu moins. On a beaucoup parlé des centres de données aussi, et dans un sens, la recherche ou les développements sont beaucoup faits là-dessus. Il y a eu des belles avancées au niveau des centres de données. Évidemment, tout le monde n'est pas égaux. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent encore pour leurs centres de données avec des combustibles fossiles, mais il y en a d'autres qui ont fait des belles avancées. Là, quand tu parles des centres de données, tu parles... Quand on parle du cloud, quand on met des choses sur le web ou, par exemple, quand nos courriels, ils sont stockés à quelque part. Donc, ça existe fameux centres de données. C'est des centres de données. Donc, c'est des super ordinateurs ou des fermes d'ordinateurs où on a des milliers d'ordinateurs ou l'équivalent de plusieurs milliers d'ordinateurs qui coexistent ensemble, qui stockent des données, qui calculent, qui génèrent la toile aussi et le reste. Alors, évidemment, on a un ordinateur à la maison, on le sait. Il y a une notion de chaleur qui se génère autour de l'ordinateur. Donc, imaginez des milliers d'ordinateurs ensemble. Ça génère énormément de chaleur. Et c'est là peut-être un peu le nerf de la guerre, parce qu'il faut refroidir les centres de données. Alors, si on les construit dans des zones qui sont déjà relativement chaudes, ben imaginez la facture en air climatisé, en climatisation tout genre. Donc, ce que les gens ont commencé à faire, c'est d'installer les centres dans le nord, donc dans les pays nordiques, parce que c'est plus froid. D'utiliser la chaleur pour chauffer des villes. Récupérer la chaleur. Exemple ici à l'Université Laval, le supercalculateur, donc c'est un très gros ordinateur. Mais il y a une partie, en fait, la chaleur qui est générée par l'ordinateur sert à chauffer en partie le campus universitaire. Donc c'est des bonnes pratiques écologiques. Il y en a d'autres qui ont décidé, pour sauver un peu sur la facture énergétique, de faire des centres de données sous-marins, parce que c'est plus froid en dessous de l'eau. Donc, l'eau refroidit naturellement. Le sang, donc, tranquillement, il y a cette préoccupation-là qui a été mise de l'avant pour les centres de données. Il y a eu une belle réponse. Il y a une belle préoccupation des usagers aussi. Donc, ça crée une demande. Donc, c'est un peu l'idée peut-être de, pour des organisations comme les CIGREF, mais d'étendre ces pratiques-là vers d'autres éléments. Et maintenant, on a eu notre avancée au niveau des centres de données. C'est pas tout beau, mais ça a avancé. Donc, maintenant, peut-on penser aux fabrications de logiciels? Maintenant, peut-on penser à l'utilisation mémoire? Maintenant, peut-on penser à l'obsolescence programmée? Oui, parce que nous, comme citoyens, on a l'impression qu'en utilisant tous ces courriels-là, on économise, on est beaucoup plus écolo, on n'utilise pas de papier, il n'y a plus de fax, on n'imprime plus, mais au bout du compte, on utilise quand même de l'énergie. Mais il y avait cette pensée-là au début, hein, on est très écolo, on envoie des courriels. C'est ça, mais on ne le voit pas. Ça devient plus facile, mais en fait, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui avait fait une étude il y a quelques années sur l'envoi de courriers électroniques d'une entreprise de 100 personnes. Et en fait, il avait dit, regardez, 100 personnes qui envoient des courriels dans une entreprise, ça représente à peu près 13,6 tonnes de CO2. Donc, 14 allers-retours Paris-New York. Évidemment, l'équivalent en papier, ça reste beaucoup mieux d'envoyer des courriels plutôt que d'envoyer des papiers. À choisir. Mais reste qu'il y a encore des éléments, des bonifications qu'on peut faire pour diminuer cet élément-là. Au niveau du courriel, mais ça revient beaucoup justement aux données, à l'énergie dépensée par les sites web et le reste, donc aux éléments dont on parlait. Évidemment, à ça s'ajoute aussi parfois le fait que certains ont le réflexe d'imprimer les courriels reçus. Ce qu'on dit d'ailleurs, en fait, j'étais tombé sur... c'est un groupement de services qui s'appelle Eco-Info, qui regroupe différentes organisations françaises qui, eux, avaient comparé l'impact d'une facture papier et d'une facture numérique. Et il est arrivé avec un résultat quand même relativement nuancé. Donc, il disait, regardez, la facture numérique, globalement, est moins dommageable à l'environnement, à condition qu'elle ne soit pas imprimée. Mais c'est le cas une fois sur trois qu'on va quand même imprimer cette facture-là. Et parallèlement, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas non plus lire sa facture pendant des années. Si donc on la consulte à peu près 30 minutes ou moins, eh ben là effectivement on va avoir un net avantage. Par contre, si on imprime la facture, on achemine, on nous consulte trop longtemps, ben après ça, il y a du stockage de l'équipement, il y a de l'utilisation de l'ordinateur, il y a de l'utilisation des logiciels, les fournisseurs d'accès, etc., etc. Ouais, ouais. Ben parce que je pense à moi là, les factures non imprimées, quand vient le temps du rapport d'impôt, c'est plus compliqué, il faut fouiller dans son ordinateur. Au bout du compte, peut-être. En fait, ce qu'ils disent essentiellement, c'est que pour consulter une facture électronique pendant une demi-heure, ça représente à peu près 36,5 watt-heure. Donc, c'est à peu près l'équivalent de regarder la télévision 10 minutes ou de faire marcher le réfrigérateur pendant 53 minutes ou de travailler sur un ordinateur fixe pendant 13 minutes. OK, ouais. Donc, ça donne des équivalents. Oui, c'est ça. C'est comme de savoir le nombre de calories qu'on mange. Oui. On a envie de se mettre au régime. Et ça devient difficile parce que ça reste virtuel. Et ouais. C'est qu'il y a une chaîne d'utilisateurs qui doit être considérée pour vraiment mesurer l'impact réel. Un peu comme quand on parle dans le temps des fêtes, enfin, on parle beaucoup des sapins synthétiques versus les sapins réels et le reste. Mais il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte et pas simplement l'effet, la résultante versus l'autre résultante. Donc, il y a quand même quelque chose de global, au même titre que pour le courrier. On va considérer aussi la livraison, l'effort, l'essence, le papier, etc. Il y a quand même une série d'actions qui doivent être considérées pour arriver avec un comparatif qui est le plus juste possible. En ce moment, au Poste Canada, menace de grève, on va penser au numérique. Mais aussi, il y a tout ce qui nous entoure, les quotidiens aussi, certains ont pris le virage numérique, on pense à la presse et tout. Oui, puis en fait, la question se pose aussi, en fait, il y a des études sur tout, en fait, évidemment, on en trouve sur tout. L'Association mondiale des journaux et d'éditeurs de médias d'information, hein, toujours en Europe, on fait l'impact moyen entre la version papier et numérique d'un même journal. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est relativement similaire, finalement. Évidemment, on parle de 2011 à peu près, là. Mais ce qu'on dit, c'est que pour trouver les informations du journal, on n'a pas mesuré le site web du journal équivalemment, mais on a dit, si on fait des recherches Google pour aller trouver l'information, des requêtes lancées par un moteur de recherche en 2011, c'est à peu près 9,2 kg de CO2 par année par internaute. Alors, là, donc ça dépend de la manière dont on va consommer l'information. Donc, faut il y a toujours être efficace aussi. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut être efficace. Si on sait où aller, on génère un peu moins. C'est sûr que chercher, ça nécessite. Mais encore là, entre 2011 et aujourd'hui, les centres de données ont évolué. Donc, l'impact a probablement diminué aussi par rapport à ce qui avait été lancé à l'époque. Bon, j'ai une question. Je ne veux pas te poser une question piège, mais est-ce que tu as l'impression que c'est différent en Europe d'ici? Parce que l'électricité, l'énergie coûte plus cher en Europe qu'ici. Ici, moi, je me souviens, il y a plusieurs années, en Suisse, on devait fermer les ordinateurs entre les moments où c'était la règle. On fermait toujours Mais ici, on n'a pas ça, là. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des avancées environnementales ou des recherches? J'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais je dirais de ce qu'on en voit dans les rapports ou dans la veille que j'ai l'occasion de faire, il y a plus de préoccupations par l'efficacité énergétique du côté européen, ou du moins dans les dernières années, il y avait plus de préoccupations de manière générale qu'ici. Par contre, ici, il y a un potentiel qui est extrêmement élevé, extrêmement intéressant. On le voit notamment avec le marché de la voiture électrique qui tranquillement est en train de s'installer, mais reste qu'il y a un potentiel majeur ici. Une voiture électrique au Québec va avoir un impact majeur sur l'environnement comparativement à son équivalent en Chine qui, elle, va fonctionner à l'énergie au charbon. Il va avoir un impact dérisoire. Ici, ça a un potentiel. C'est la même chose pour d'autres éléments. Et je pense qu'il y a un éveil progressif à ce potentiel-là qui se fait depuis déjà quelques années. Mais les Européens sont peut-être face au problème depuis un peu plus longtemps. Ouais, ben merci beaucoup, Raymond Poirier. Tu m'as ouvert une fenêtre et je vais consommer mieux mon... je vais travailler mieux sur Internet. Merci infiniment, Raymond. On se reparle mardi prochain.